le son des halls. Si, si. Les Ulysses starteraient. Yeah, yeah. Ademos, Carlo Khan. Yeah, ça. 89 à gang. Tu connais. Tu connais. Viens pas test. Non. Ok. Yo. Yo. Banlieue sud sale. Pour les frères. Aïe. Aïe. 80. Black nomade, nomade, nos machines nomades. Noma, anoma, nonas. Le massif, connasse. C'est ma chip, c'est ma chip. C'est ma... Trop bad, t'imati machine. C'est ma calache, Nicole. J'connais pas de canard qui grogne. J'mets ma banane énorme dans le palace des nobles. Ça des mots dans les caisses gros. Des fesses dans les tests gros. Des verres dans les cerveaux. Des aides et pépères. Ah poulet, douce gars, coup de poulet douce. Bourré, boum, cousin, coup de coude. Pour vous voir tous rouler. Max de flow, man. Maglo, la démo local. Mac le fond de mon regard. Tu peux pas si c'est vide. C'est ce qui compte, ma couillasse. C'est à Paris, c'est free. Y'a pas de pipe au grenade. Alors s'te plaît, range ta flûte. C'est pour les crêtes, la rue. On est que ta flûte. Même les reines, ça résout. Pépère, Essonne, pépère. Un pack de balles, pépère. Un démon, déterre. Scarlogan, pépère. 2008, pépère. Le sang des halls, pépère. Nique le monde, pépère. Zouvre, pépère. Essonne, pépère. Un pack de balles, pépère. Un démon, déterre. Scarlogan, pépère. 2008, pépère. Le sang des halls, pépère. Nique le monde, pépère. Scarlogan, toujours pépère. Des fois un peu vénère. J'rappe sale dans les sons, plus rien ne m'effraie. Les Ulysses pour manœuvrer. Ne tape pas des barres de rire en tarteré. Bon lieu sud sale, c'est quoi les jeans? C'est quoi les jazz? Tu veux test, mais toi t'es qui? Laisse tomber, je deviens dingue, j'ai envie de tailler. Ramasser la maille, sauver la maman et marier. Je deviens parano. La drogue que je consomme ne me fait pas cadeau. Baiser du beau cerf, je sens la fin du monde. Cette odeur qui me gêne ne me rend pas plus bon. C'est la hesse, c'est la crasse. Me cassez pas les couilles, vous voyez bien que je me les gratte. Okay. Sourcils froncés, en mode déter. Une latte pour m'évader, je deviens plus pépère. Ça fait souvent pépère, Essonne, pépère. Un pack de balles, pépère. Un démon, déter. Carlogan, pépère. 2008, pépère. Le sang des halls, pépère. Nique le monde, pépère. Souvent pépère, Essonne, pépère. Un pack de balles, pépère. Un démon, déter. Carlogan, pépère. 2008, pépère. Le son des halls, pépère. Nique le monde, pépère. Ça fait souvent pépère. Essonne, pépère. Un pack de balles, pépère. Un démon, déterre. Carlogan, pépère. 2008, pépère. Le son des halls, pépère. Nique le monde, pépère. Souvent pépère. Essonne, pépère. Un pack de balles, pépère. Un démon, déterre. Carlogan, pépère. 2008, pépère. Le son des halls, pépère. Nique le monde, pépère. Santé haute, 91, si si, Ademo, Scarlocat, ok, encore des Scarlocat, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, Martin TZ gros, 91. Martin TZ gros, 91.